le fait, la façon dont vous êtes emparé des outils, et surtout quelque chose qui, je sais pas ce que tu en penses, mais quelque chose que je trouve assez fou, d'avoir autant réussi à proposer des prospectives en étant axé sur ce genre. Enfin, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire, mais je trouve ça super que là, on a réussi à avoir des ambitions et puis des scénarios prospectifs, mais sonores, et pas visuels, ou en tout cas moins visuels. Et que le visuel, ça découle plus du sonore que l'inverse. Donc ça, vraiment, pour ça, bravo. Bravo à vous, et merci pour beaucoup, vous et de nous avoir tenus toute la semaine. Non, mais c'était extrêmement dense, c'était motivant, et on a appris plein de trucs. Tant dans la théorie, de voir les thèses de tout le monde et tout, ça me fait vachement changer un peu l'air, quoi, de mode d'approche. Quoi. Et puis après, sur la technique aussi, c'est génial d'avoir pu signer aussi à Grasshopper, à Rhinocéros. Et,